micro, tu connais. Pense l'enfoiré. Ok, donc check, mec. Ok. J'te mets un high kick, comme dans Bloodsport. J'suis en Audi, j'ai le mode sport. Demande à Huss, j'fais pas le gangster. Ni la grande star, les grands savent. Tu sais pas qu'on a fait des pleins temps. J'suis avec le J, on en a pour 20 ans. À la Cassel Vincent, on va faire un bain de sang. On va aller faire Zouki à la Francky Vincent. J'suis fou plein de sous, pas le trafiquant. J'rappe trop, j'rentre chez moi, j'ai les yeux piquants. Que des midi-midi, pas de mi-temps. Que ça marre les mythos, ceux qui la jouent vito. La Honda comme Miko, tout pour Anita. C'est l'ovni au micro, tu connais inimitable. J'me tue au Chito, dans la zone R5 étoiles. Y'a les képis, les cibles, les tanks et l'hélico. J'me crois dans GTA. Pas de casque, j'ai une étoile. Faut qu'on se barre de là. J'parle chinois, j'fais du cash. On fait de la moula. On se met rap dans sous night. On a fait une dinguerie. 6 étoiles comme dans GTA. 6 étoiles comme dans GTA. 6 étoiles comme dans GTA. GTA. 6 étoiles comme dans GTA. 6 étoiles comme dans GTA. 6 étoiles comme dans GTA. 6 étoiles comme dans GTA. 6 étoiles comme dans GTA. L'esprit vient d'ailleurs. On oublie nos malheurs. Tu es vaste dans The Wire. J't'omis dans Power. L'esprit vient d'ailleurs. On oublie nos malheurs. Tu es vaste dans The Wire. J't'omis dans Power. Moulaga, Malaga. N'en sois pas maladroit. La crème des grands bandits mafia. Sicilienne, toujours en esprit. Moulaga, Malaga. N'en sois pas maladroit. La crème des grands bandits mafia. Sicilienne, toujours en esprit. Anaconda 44, Magnum, Bill Carson. C'est la zone en personne. J'suis avec le J, Dolce ou Kalenji. Peur de Dieu, à part ça, vraiment peur de personne. On contrôle la zone. J'te présente mon équipe, t'as les indésirables. Intouchables et redoutables, j'plaide des non-coupables. Reste en forêt, c'est moi, on voit les deux sous-tables. Qui fait quoi, qui est qui? Protège ton cul dans la rue du docteur Babinski. J'fais mon comeback. Temple en studio, j'leur fais une Tupac. J'suis plus là-là, non, j'suis plus là-là. J'crois au bon Dieu comme un viking, crois au Valhalla. J'passe en vaisseau sur le boulevard Sakakini. J't'ai fait le signe, au feu vert, j'ai patiné. J'voulais pas des disques d'or, j'voulais le ballon d'or comme Platini. J'voulais pas finir comme Al Pacino.